Je suis des doigts. Je suis ici et je rêve à des plaisirs. Belle retournée à des plaisirs. Ne punissez pas. Je suis des doigts, je suis ici et je rêve à des pelles retournées, à des plaisirs. Ne me punissez pas, examinez-moi. Que fait-il? Avec sa longue ficelle, elle me traîne. Ah, c'est ta journée, des permissions, t'es emmerdé, des pesticides. Pacifique, faut détourner la pelle, replonger, courir, perdre ceux qui sont au bout des ficelles. Que faut-il? Que faut-elle? Je suis des doigts, je suis si déa. À la traîne, quelle autre polystique et entraîne balistique désarmée, je veille désarmée, je rêve à des filles suspendues. Les tétons, les tétons une fois, les tétons crèvent sous le sol. L'air est infâme et infirmière. Que faut-il? Que faut-elle pour la troubler? Juste un épithète. Une qui prise, mais qui rêve. Une qui passe. Cro-Magnon, nous étions que des fous. Poubelle, la lenteur éternelle. Sauras-tu me couvrir de la une fortune? Les visions, faut-il que, faut-il qu'elle ce goût de quenelle? Laisses-tu brantelle et broutelle? Laisses-tu bonder à d'autres la raison? À d'autres la raison, à d'autres opinions, pédale-t-elle à d'autres passons, à d'autres passons, et rend-elle les moyens. moisson si tordue. Thank you.